musique. Avec Yo. Tous les derniers mercredis du mois à 20h sur Fadjet. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 27 août et il est 20h, vous êtes bien sur Fadjet pour l'émission Musique Live numéro 4. Je vous le dis à chaque fois, mais la musique est vivante, alors il faut la découvrir sur scène, en live, avec les musiciens, les techniciens, que ce soit en bas de chez vous, au bistrot du coin, dans les petites et grandes salles et dans les festivals. Aller voir de la musique live, c'est toujours un moment unique et c'est pour cela que j'ai assisté depuis très longtemps à plus de 1000 concerts et je ne m'en lasse pas. Alors, pour cette émission, et comme c'est les vacances, youpi, je vais vous proposer un jeu musical. Le titre de l'émission est « The Summer Movie in Live Song ». In French, je vais vous faire écouter des chansons très connues en live, et c'est à vous de reconnaître le nom du film, avec à chaque fois la chanson qui en est tirée. C'est beau, vous avez compris ? Alors, il y a un beau cadeau à la clé, hein. C'est pour cela qu'à partir de la fin de cette émission, donc à 21h et durant toute une semaine, pas un jour de plus, vous allez pouvoir m'envoyer par mail sur yo-musiclive-fadjet@orange.fr vos 10 réponses et votre prénom. Les trois premiers d'entre vous qui m'enverront la liste exacte des chansons des 10 films que nous allons écouter ce soir seront invités dans Musique Live pour assister et participer à une prochaine émission avec moi et je vous ferai visiter les studios de Fadjet. Ok ? Allez, on va démarrer tout de suite. Vous avez révisé ? Tant pis. Mais bon, vous verrez, c'est des films qui sont sortis alors toujours en période d'été hein, et pour lesquels... je pense que vous reconnaîtrez assez facilement. On va commencer avec la première chanson, donc live. C'est une chanson qui est interprétée par Glenn Frey pour un film qui date de 1984, un film de Martin Brest. C'est parti. The heat is on. Vous avez reconnu? Bon, alors vous mettez ça de côté et vous m'enverrez vite le mail quand vous aurez les 10 chansons. C'est cool sur Fadjet, c'est l'été, on bronze, il fait beau. Et on va continuer notre petit jeu avec un deuxième titre qui est interprété par Kenny Loggins lors d'un live, d'un concert qu'il avait fait il y a 2 ans. Et donc, ce qui illustre un film toujours sorti en été, un film qui a eu un beau succès en 1984, un film de Herbert Ross. Je vous laisse découvrir cette interprétation et on se revoit après. Cool sur Fadjet, c'est Music Live. Alors, vous avez trouvé cette fois-ci le titre du film, cette chanson de Kenny Loggins. Bon, on va continuer. Alors, cette fois-ci, je vous donne aucun indice parce que c'est trop facile. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'était un film de 1982 de Randall Kessler et que ce concert a été fait pour le 25e anniversaire du film et ça s'est déroulé en Australie. Je vous laisse écouter. Vous allez vite savoir qui c'est. C'est cool sur Fadjet, c'est les vacances, on en profite, on danse. Bon, je vous avais pas besoin d'avoir une indice. Je suis sûr que vous avez trouvé le film au bout de 3 secondes. On va continuer avec un autre classique du cinéma qui est sorti, un film qui est sorti en 1980 de John Landis. Je vous donne pas trop d'indices par rapport à ce film. Je pense que vous allez le reconnaître aussi très facilement. C'est parti. And you! And you too! You need me too, man. I need you too. Hey! Comme c'est bon, c'est ça du bon live. Bon, vous avez reconnu, hein, je vous en dis pas plus. On va continuer notre petit jeu. On arrive déjà au cinquième morceau. Où là, je vais pas vous dire non plus d'indice. Je vais pas vous donner l'indice. Qu'est-ce que je suis méchant. Mais vous allez reconnaître tout de suite. Ça dure 7 minutes 03. C'est un film de 1984 de Hébert Magnoli. 3, 2, 1, c'est parti. There's been a revolution in American music. It's not just for listening anymore, it's for looking. You're about to see one of the main reasons why. Propelled to the top of the charts by his hit motion picture, Purple Rain, here is the super exciting, super talented Prince and the Revolution. I never meant to cause you any trouble. I never meant to cause you any pain. I only wanted one time to see you that day. We'll be right back. you wanna lead her. You can't seem to make up your mind. I think you better close it. Honey, you better close it. And it got you. And it got you to the purple rain. Ah, comme c'est bon, Prince. Bon, vous avez reconnu le film, j'en suis sûr. Et vous avez reconnu évidemment Prince dans un titre phare de sa carrière. Bon, continuons notre jeu. Alors cette fois-ci, c'est un groupe qui n'a pas été trop connu. Je vous dis pas le nom parce que derrière la chanson, derrière le film, il est devenu très connu. Mais on ne sait pas trop ce qu'ils sont devenus. C'est un film de 1982. Je vous donnerai pas non plus le nom du réalisateur. Vous n'avez droit à rien, mais je suis sûr qu'au troisième temps, vous allez reconnaître cette chanson qui illustre donc ce film de 1982. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Rising up back on the street. Eh bien, je pense que vous avez trouvé, hein, c'était pas trop compliqué, c'était cadeau. Bon, on passe au numéro 7 maintenant. Alors, c'est un groupe mythique aussi, Lynyrd Skynyrd, un des derniers groupes qui a participé à Woodstock, avec Joe Cocker et d'autres. Les autres sont, comme Joe Cocker, sont décédés malheureusement. Ils sont plus que deux à avoir participé à ce grand festival. Avec un titre, sans doute celui le plus connu de leur répertoire, c'est Sweet Home Alabama. Alors par contre, je vous donne tous ces registres-là parce que le film, vous le connaissez, mais peut-être que vous n'avez pas percuté le moment où passe l'extrait de cette chanson. Ce que je peux vous dire, c'est un film de Robert Zemeckis qui date de 1994, Lynyrd Skynyrd, avec leur emblème Sweet Home Alabama, enregistré cette année aux États-Unis, live. C'est parti. Big wheels keep on turning. Carry me home, see my kin. Sing songs about Southland. I miss Alabama once again, and I think it's sin. Y'all be kind. quelle chanson, quel classique. On continue notre petit jeu concours avec le 8e titre. Cette fois-ci, ça va être un peu plus compliqué de trouver le film. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est les Beach Boys que vous allez entendre avec leur mythique tube Surfing USA, que c'est un film de 2016, un film français, mais réalisé par un Américain, James Hutt. Attention, c'est parti. Thank you so much. Is anybody ready to go surfing just one time? Ce titre. Bon, vous êtes en vacances, tout va bien, vous avez reconnu le film, alors vous êtes où, vous faites en vacances? Là, ça vaut le coup d'être avec un truck et d'aller sur la route de la côte landaise ou sur la côte d'Azur. Mais mollo, hein, mollo, mollo, mollo, mollo. Hein. Tranquille. Bon, on continue notre jeu. C'est le 9e titre. Alors, je vous donne aucun indice parce que vous connaissez l'artiste, vous connaissez la chanson, je suis sûr que vous connaissez le film qui date de 1992, réalisé par Mick Jackson. On l'écoute tout de suite. I would only be in your way, so I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. The way and I, ooh, I will always love you. I will always my darling Jew. Bittersweet memories. That is all I am taking with me. So goodbye. Please don't cry. We both know I'm not what you need. Quelle belle chanson! Allez, vous avez tous reconnu Whitney Houston, donc on va pas dire que c'est pas elle. Et c'était enregistré juste après la sortie du film en 93, dans la cérémonie des Awards, des Grammy Awards, aux États-Unis, puisqu'elle a gagné 6 ou 7 prix pour cette chanson, l'album interprète, etc., etc. Bref, j'espère que vous avez trouvé le film, mais c'est presque une évidence. Là aussi, c'était cadeau. Bon, on va passer au 10e et dernier artiste pour ce jeu concours. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je vais vous dire quand même qui c'est l'artiste, hein, mais vous allez vite reconnaître son nom, c'est Elton John. Dans un film de 1994, dont la chanson a servi à la bande originale du film, un film qui a été réalisé par Rob Mitnoff et Roger Allers. On l'écoute et on se retrouve tout de suite après. This next song comes from something that changed my life in a lot of ways. Because it led me to do a lot of other things during the 90s. Gave me the capability and the ability or the chance to write musicals and do stuff for films. All because of this one movie called The Lion King. And this is a song from that film. And it's called Can You Feel the Love Tonight, all right? 3, 4. There's a calm surrender to the rush of day. In the heat of a rolling wind can't be turned away. An enchanted moment, and it sees me through. It's enough for this reckless warrior just to be with you. Twisting kaleidoscope, move the stall and turn. There's the rhyme and the reason to the wild outdoors. When the heart of this star-crossed voyager beats in time with yours. Et voilà, on termine ce jeu sur cette chanson de d'Elton John, très connue aussi, et je suis sûr que vous trouverez vite le film. Alors, vous avez écouté les 10 chansons, ok? Vous allez m'écrire sur yo-musiclive-fadjet@orange.fr à partir de la fin de l'émission et pendant une semaine. Les 3 premières bonnes réponses, vous aurez un super cadeau, puisque je vous inviterai à Fadjet, visiter les studios et vous participerez avec moi à la prochaine émission, à une prochaine émission de Music Live. D'accord? Allez, c'est parti, jouez le jeu et on se retrouvera ici très bientôt. Eh bien, on se retrouve maintenant pour la suite de notre émission. Vous êtes bien sur Music Live sur Fadjet 94.2, fadjet.net. Vous savez aussi que vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur fadjet.net et puis aussi sur le groupe Facebook que j'ai ouvert il y a quelques semaines déjà et qui s'appelle Fadjet by Yo. Non, ça s'appelle pas comme ça. J'ai mal lu. Je recommence. Ça s'appelle Music Live by Yo on Fadjet. Sur Facebook, c'est un groupe. On met aussi toutes les émissions, puis on reste en contact les uns avec les autres pour se donner des news par rapport à la musique. Et là, d'ailleurs, dans le cadre de la suite de cette émission, je vais vous donner deux news. La première, elle concerne un groupe mythique, Led Zeppelin, avec le Becoming Led Zeppelin, qui est le premier documentaire sur le groupe autorisé par le groupe. Ce film retrace les premières influences musicales et les carrières de chaque membre du groupe avant de plonger dans leurs deux premiers albums et leur tournée ultérieure. Le film présente des images inédites, des sons et des vidéos remasterisées, ainsi que des interviews audio de John Bonham qui ont été gardées privées pendant jusqu'à ce jour. Des chansons complètes de concert sont diffusées, ce qui donne l'impression aussi d'être en concert. Le DVD sort progressivement dans le monde depuis le 16 juin. Il arrivera en France, nous l'espérons, en septembre. Vous pouvez déjà vous le procurer sur certains sites. Attention, c'est la version US, il n'y a encore pas de sous-titrage en français. Le film dure 2h02 et le prix conseillé sera en France de 25€. C'est déjà un collector unique et qui ne pourra que valoir de plus en plus cher au fil des années. Allez, on continue avec une deuxième info cette fois. Ça concerne Pink Floyd. Vous connaissez le célèbre album Pink Floyd Al Pompéi de 1972, mais sur la pochette, c'est en latin, MCMLXXII. Eh bien, il y a une version restaurée avec le son qui était remasterisé au studio Abbey Road, avec quelques bonus supplémentaires. Le film est sorti au cinéma en version IMAX en avril dernier. Le DVD du film, lui, est sorti dans le monde progressivement depuis le 15 mai dernier. Je crois qu'on peut déjà le trouver en France. C'est un vrai chef-d'œuvre de la vie des critiques. Déjà que l'album et la vidéo précédente étaient déjà des grands moments, mais là, c'est vraiment un chef-d'œuvre. La durée du DVD, donc du concert, est de 2h28 et le prix conseillé est de 29€. Voilà pour les infos que je voulais vous donner. On va pas se quitter comme ça. On va quand même rendre hommage à Brian Wilson, le cofondateur des emblématiques Beach Boys, décédé récemment à l'âge de 80 ans. Il y a un témoignage émouvant qui est raconté par un riverain de Malibu Beach. Malibu Beach, ce fut la photo du premier album des Beach Boys en 1962. Et depuis, il y a une petite pancarte, une stèle, où il y a la photo de l'album face à la scène réelle qui est juste derrière. Et un promeneur qui se baladait sur la plage nous raconte qu'il y a une quinzaine de jours avant le décès de Brian Wilson, il y a une grosse voiture qui s'est garée devant cette petite stèle, cette petite photo. Il y a un monsieur qui est sorti, âgé, dans un fauteuil roulant, et quelques personnes l'ont accompagné jusque devant la plaque. Il est resté, 10 minutes, sans rien dire. Le promeneur dit, j'ai tout de suite reconnu Brian Wilson, je n'ai pas osé aller l'embêter. Et puis il est remonté dans la voiture et ils sont partis. Et il dit, j'étais vraiment très ému, j'avais larmes aux yeux, parce que je me suis dit que s'il était venu, c'était sans doute qu'il venait y faire ses adieux. Voilà, R.I.P. comme on dit, Mr. Brian Wilson. Et on va le retrouver avec les Beach Boys pour un standard enregistré en 2005 à Berlin, Good Vibration. Ah, I love the colorful push away. We'll be right back. she's like. And I feel how right she'd be for me. It's weird how she comes in so strong. Cette émission 4 de Music Live se termine. On se retrouve sur les réseaux sociaux, sur fadjet.net et surtout on se retrouve à la rentrée de septembre pour une nouvelle émission, dernier mercredi du mois. À bientôt, bonnes vacances, ciao.